Mercredi 20 février 2002, l'île Saint-Denis. La victime avait refusé de payer l'addition. Le barman du café de l'Entraque, c'est l'île Saint-Denis qui a tué d'une balle dans le cœur un client âgé de 28 ans qui était un autre bras. Montreuil, incendie dans le squat de la galerie marchande. 200 mètres carrés de gros squatter où on était ravagé. Lida, l'adolescent hospitalisé dépouille son voisin de chambre. Le jeune malade de l'hôpital de Vicenne à Bobigny. Ils avaient pas les déchets qui sont venus sous bois. Arrêtez l'un de ce braqueur de soulèvement. Une tentative de viol, une quarantaine de vols. Elle poignarde à mort son compagnon. Le microphone est branché, le texte écrit. Dire que la vérité, en moi cette phrase est inscrite. Récidive sur le beat, en évitant l'ego trip. Même si la femme parle du commercial, je n'esquiverai la trappe. Tu le sais, j'ai 21 billes. Certains me diront que c'est mes plus belles années. S'ils savaient ce que c'est dans l'obscurité d'une cage d'escalier. À compter les secondes jusqu'à ce qu'elles deviennent des heures. À réfléchir sur nos vies, puis tout devient un désordre. À chercher des raccourcis sans savoir où on veut se rendre. Certains ont cru que leur bise marchait jusqu'à ce que les flics viennent les surprendre. Si je pouvais revenir dans le passé auprès de leurs parents, je m'excuserais d'avoir été l'ami de leur fils et n'avoir rien fait pour les en empêcher. Et ma mère qui se lève trop tôt pour trop peu d'argent, gardant ses dernières forces pour s'occuper au mieux de ses enfants. Rien que pour ça, je peux pas me plaindre. De l'amour, je n'en ai pas manqué. Mais jusque pour la remercier, je trouvais rien de mieux que la faire pleurer. Les plus belles années, c'est les yeux fermés que je les vis. À force de voir le mal partout, même le peu de bonheur, je l'évite. Loin d'être parfait, je me dis que j'ai pas tout ce que je mérite. Et qu'à l'intérieur de moi, mon cœur a la forme de l'Afrique. Mes plus belles années, je les passe à me répéter que les autres vivent mes rêves. Alors que les miséreux diront en cœur que je vis les leurs. Laisse parler le cœur. Et ça se passe de commentaires. SE2L, c'est l'art de dire aux faux rappeurs comment se faire. Chaque jour qui passe, c'est la même. Ceux qui subissent, c'est les mêmes. Mes plus belles années, je rêve de pouvoir les vivre en épinette sur le sol. C'est de l'argent et des SNL. Mais faut être un SNL d'esprit du cœur pour pouvoir faire la part. Chaque jour qui passe, c'est la même. Ceux qui subissent, c'est les mêmes. Les plus belles années, je rêve de ceux que j'aime les vivre d'ici jusqu'au. Le temps, c'est de l'argent et des SNL. Mais faut être un SNL d'esprit du cœur pour pouvoir faire la part des choses. Plus je grandis, plus je m'éloigne. Toujours à la recherche de jours heureux. Mes attitudes en témoignent. Je suis souvent seul, je dis rien, je m'efferme ma gueule. Les années passent et je perds mon sens relationnel. Enfant, j'aurais voulu rester, ignorant tout, cette vie de fou. Là pour l'argent, les bijoux, les coups au moral, comme les plus sales. Je suis pas le seul, beaucoup diront que nos vies saoulent, donnent une image pâle. Mais les plus belles années furent l'enfance, ça j'en suis persuadé. Tu peux me prouver le contraire, j'en ai rien à foutre. En outre, ce que t'as fait ou ce que tu feras, conscient ou pas, on en tire des leçons comme pour faire péter le son. On se réécoute. Sans jamais créer le doute, chaque jour on apprend, toujours à l'écoute. Verbal, moral, poste, dur, t'auras ton rôle. Même si c'est pas le principal, faut pour chacun ça roule. Pour ma part, je construis pour mes beaux jours, j'ai de l'ambition. Au point de fabriquer une tour, c'est 20 mesures. Quand on dit la vingtaine, c'est dur. Qu'ici y a plus de belles années, qu'on voudrait tous une vie meilleure. Chaque jour qui passe, c'est la même, ceux qui subissent, c'est les mêmes. Les plus belles années, je rêve de pouvoir les vivre en épinette sur le temps. C'est de l'argent et des SNL, mais faut être un SNL d'esprit du cœur pour pouvoir faire la part des choses. C'est la même, ceux qui subissent c'est les mêmes. Les plus belles années, je rêve de ceux que j'aime les vivre d'ici jusqu'au. Le temps c'est de l'argent et des SNL. Mais faut être un SNL d'esprit du cœur pour pouvoir faire la part des choses. La rue me fait zigzaguer comme entre des plots. Et quand certains disent niquer la vie, moi je la ferme vu que je n'ai même pas des plots. J'attends la même chose depuis des années. Mais pas le même châtiment que ceux qui pour ça ont gagné. Comme tout le monde, mes beaux jours, je les vois riches. La France ne me fera pas zapper mes idées. Je me fiche d'être coté ou d'être premier de la classe hip-hop si j'ai de quoi vivre. Eh frère, ça fait longtemps que je cherche plus à comprendre, mais à me défendre. Même les plus grandes baltringues marchent avec un flingue. Je me suis fait des potes et des ennemis là où ça chlingue. Eh, obligé de pointer à l'intérim parce que la rime, ma passion pour l'instant ne porte pas ses fruits. Mais c'est pas ce qui me fera faire du bruit pour aller plus fort que les autres. Comme mes parents, je m'assume parce qu'à la base, je suis pas une caille, mais un plaidard. Et pour la maille, faut pas que je me vautre. Chaque jour qui passe, c'est la même. Ceux qui subissent, c'est les mêmes. Mes plus belles années, je rêve de pouvoir les vivre en épinette sur le temps. C'est de l'argent et des SNL. Mais faut être un SNL d'esprit du cœur pour pouvoir faire la part. Chaque jour qui passe, c'est la même. Ceux qui subissent, c'est les mêmes. Les plus belles années, je rêve de ceux que j'aime les vivre d'ici jusqu'au. Le temps, c'est de l'argent et des SNL. Mais faut être un SNL d'esprit du cœur pour pouvoir faire la part. Chaque jour qui passe, c'est la même. Ceux qui subissent, c'est les mêmes. Mes plus belles années, je rêve de pouvoir les vivre en épinette sur le temps. C'est de l'argent et des SNL. Mais faut être un SNL d'esprit. Chaque jour qui passe c'est la même, ceux qui subissent c'est les mêmes. Les plus belles années je rêve de ceux que j'aime les vivre d'ici jusqu'au. Le temps c'est de l'argent et des SNL. Mais faut être un SNL d'esprit du cœur pour pouvoir faire la part des choses. Chaque jour qui passe c'est la même, ceux qui subissent c'est les mêmes. Les plus belles années je rêve de pouvoir les vivre en épinette sur le temps c'est de l'argent et des SNL. Mais faut être un SNL d'esprit du cœur pour pouvoir faire la part des choses. Chaque jour qui passe c'est la même, ceux qui subissent c'est les mêmes. Les plus belles années je rêve de ceux que j'aime les vivre d'ici jusqu'au. Le temps c'est de l'argent et des SNL. Mais faut être un SNL d'esprit du cœur pour pouvoir faire la part des choses.